Alors, bien que ce soit un thème récurrent depuis 2008 avec l'élection du gouvernement de Stephen Harper, peu d'entre nous savent réellement de quoi il en retourne. Pourtant, des chiffres et des mots chargés de sens circulent sur le sujet. Le dernier sondage effectué par l'Institut professionnel de la fonction publique s'appelle « Bâillonner la science au service de l'intérêt public », un titre qui ne m'a pas laissé indifférente. Dans ce rapport, on apprend que 9 scientifiques fédéraux sur 10 estiment qu'ils ne peuvent pas parler librement aux médias de leur travail. Des mots forts comme « censure », « bâillon » ou « musellement » sont utilisés pour désigner les agissements du gouvernement. Alors, se pourrait-il que ce ne soit que la pointe de l'iceberg? C'est la question que je me suis posée. Serions-nous restés trop longtemps ignorants de cette réalité pourtant déterminante pour notre démocratie? Pour fouiller ce sujet plus en profondeur, j'ai donc fait appel à Philippe Camiré, un étudiant journaliste de l'Université Laval, qui a fait son travail sur ce sujet l'automne dernier. Et j'aurai également d'autres collaborateurs que vous pourrez découvrir au fil des semaines. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole, Philippe. Oui, depuis plusieurs années, et puis surtout depuis le dernier budget fédéral, il y a plusieurs organismes tels que Statistique Canada, Pêche et Océan Canada, Parc Canada et Environnement Canada, entre autres, qui ont subi des coupes et restrictions majeures. Celles-ci ont eu un impact direct sur la santé de la culture scientifique canadienne. Les scientifiques semblent également disposer de très peu de liberté quand il est question de parler aux médias ou alors de travailler sur des projets qui vont à l'encontre des intérêts économiques du gouvernement conservateur. Plusieurs ont déjà pris la parole pour dénoncer ce qui semble être une campagne massive de dissimulation des activités gouvernementales liées à la science. Que ce soit les scientifiques eux-mêmes, les journalistes du domaine ou le grand public, tous sont victimes de cette culture du silence canadienne. Alors, pour comprendre un peu mieux cette culture du silence, on vous propose une série de mesures qui ont été prises le 29 juin 2012 dans le cadre de la loi Omnibus C-38, aussi nommée la loi Mammouth. Donc, voici quelques coupures impliquées dans le cadre de ce budget en millions de dollars. 53 millions retirés du budget d'Environnement Canada, 29 millions retirés du budget de Parc Canada, 29 millions retirés à l'Agence spatiale canadienne, 16 millions retirés au Conseil national de recherche du Canada, 14 millions retirés au Conseil de recherche en sciences humaines et près de 34 millions retirés à Statistique Canada, pour un total d'environ 75 millions de dollars. Et maintenant, voyons quelques mesures qui accompagnent ces coupures. Donc, premièrement, l'abolition de la table ronde nationale sur l'environnement et l'économie en mars 2013. Cette table ronde avait pour mission de jouer un rôle de catalyseur dans la définition, l'explication et la promotion du développement durable. Deuxièmement, la biosphère de Montréal a changé de vocation à la fin de 2013. Et oui, depuis 1990, elle avait pour mission d'informer le public sur des sujets liés à l'environnement et la biodiversité. Il est à présent un centre de météorologie fermé au grand public. Également, depuis janvier 2013, la gestion du Centre des sciences de Montréal passe aux mains de la Société immobilière du Canada. Sa mission est de contribuer à ce que chaque individu devienne capable de s'approprier les sciences et technologies pour construire son avenir. C'est maintenant l'astronaute Julie Payette qui en assurera la direction dès le 15 juillet 2013. Et finalement, depuis le printemps dernier, au moins 7 des 11 bibliothèques de pêche et océan Canada ont été fermées. Ça fait beaucoup de chiffres, mais au moins ces faits nous donnent une bonne idée de l'importance de la loi Omnibus pour la science. C'est ce qui a mené l'agence Science Presse à affirmer en juillet 2012 que, décidément, politique canadienne et science ne font pas bon ménage. Il est à noter que depuis 2008, les déclarations des scientifiques fédéraux se font obligatoirement via leur ministère de tutelle, ce qui limite l'accès à l'information. Donc, Philippe, je crois que tu as un exemple à nous donner pour illustrer cette difficulté d'avoir accès à l'information. Oui, effectivement, je vais vous parler un peu de l'histoire de Tom Spears. Ça illustre bien le processus par lequel un journaliste doit passer pour accéder à une information de base depuis 2008. Son récit, qui a d'abord été raconté sur les ondes de CITR, la station de l'Université de la Colombie-Britannique, dans le cadre de l'émission The Terry Project. Enfin, en mars 2012, Tom Spears, qui est un journaliste scientifique, cherchait à savoir pourquoi la NASA et le gouvernement canadien collaboraient sur un projet sur la neige. Il a envoyé un courriel à des scientifiques du Conseil national de recherche pour obtenir une entrevue sur le sujet. Plusieurs jours plus tard, après la date de tombée de son article, les responsables des relations publiques du CNRC lui ont envoyé un message qui contenait des rapports de vol, des images d'avions modifiés avec du matériel scientifique, mais aucune réponse à sa question. Plus tard, en vertu de la loi sur l'accès à l'information, il a été permis de savoir que 11 responsables des relations publiques du gouvernement s'étaient envoyés plus de 50 pages de messages qui portaient toutes sur la simple question de Tom Spears. Ils ont finalement décidé de ne pas lui accorder d'entrevue. La NASA, quant à elle, avait répondu dans les 15 minutes, expliquant sans hésitation les détails du projet. Gordon Katic et Sam Fenn, les animateurs de The Terry Project, ont posé la question suivante. Si les relationnistes canadiens ont été si hésitants à accorder une entrevue à un journaliste qualifié qui cherchait à rapporter du contenu scientifique positif, qu'adviendrait-il s'il posait des questions plus difficiles ou allait carrément mettre en doute la validité ou la sécurité d'un projet gouvernemental? Il y a là matière à réflexion, je crois. En effet, on comprend mieux maintenant la portée de cette mesure visant à contrôler l'information scientifique disponible au grand public. D'ailleurs, une étude a été faite pour mesurer l'état de la situation, hein? Oui. Le rapport Coup de froid, dont on a parlé un peu plus tôt, qui a donné bien des frissons à plusieurs, c'est suite à des témoignages comme celui de Tom Spears qu'entre le 5 et le 19 juin 2013, l'Institut professionnel de la fonction publique a sondé plus de 4000 scientifiques qui sont tous directement associés au gouvernement canadien. Le but était d'en savoir un peu plus sur la liberté dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions. Les résultats parlent d'eux-mêmes et sont d'ailleurs un peu troublants. 90% des répondants estiment qu'ils ne peuvent pas parler librement aux médias de leur travail. 50% des scientifiques au fédéral disent pouvoir donner des exemples d'ingérence politique qui concernent leurs travaux et qui compromettraient la santé et la sécurité des Canadiens ou alors la durabilité environnementale. 48% connaissent des cas où la suppression d'informations par un ministère ou un organisme a donné une impression incomplète, inexacte ou alors trompeuse au public, à l'industrie réglementée, aux médias ou alors aux représentants du gouvernement. 74% d'entre eux estiment que la communication des résultats d'études scientifiques gouvernementales est devenue trop restreinte depuis les 5 dernières années. Et finalement, 37% des scientifiques fédéraux disent avoir été empêchés par la direction ou les services de relations publiques de leur ministère de répondre aux citoyens ou aux médias au sujet d'une question sur laquelle ils étaient compétents. Ça, ce ne sont qu'une partie des statistiques amassées par le rapport Coup de froid qui a été élaboré par un syndicat de professionnels le plus important au Canada, un syndicat très sérieux. Et c'est ce rapport qui a poussé le commissaire à l'information à déclencher en 2013 une enquête sur les allégations des scientifiques fédéraux qui se disent muselés. En somme, les scientifiques directement associés au gouvernement ne disposent pas d'autant de liberté que ne laisse l'entendre le site web du Conseil national de recherche du Canada. En effet, on peut y lire que le CNRC et ses employés se sont donnés pour mission de servir le Canada et de poursuivre l'excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation, tout en respectant les normes éthiques les plus élevées et en faisant preuve d'intégrité dans tout ce qu'ils entreprennent. En tout cas, voilà de quoi nous faire réfléchir. Comme l'a dit Yves Gingras dans un article de l'actualité de janvier 2013, depuis le 17e siècle, on sait qu'on ne peut pas gouverner un pays sans institutions scientifiques parce que l'État a besoin de données fondamentales et objectives pour assurer la santé de sa population et la sécurité de son territoire. C'est pourquoi la semaine prochaine, nous verrons quelques exemples de ce que la communauté scientifique et les groupes de citoyens ont fait pour répondre aux atteintes du gouvernement à la science. Donc, mobilisation, pétition, table ronde, lettres ouvertes, balado diffusion et articles ne sont que quelques exemples des efforts concrets que ces groupes ont employés depuis les dernières années pour s'opposer à ce que certains appellent de l'obscurantisme. Donc, dans les prochaines semaines, nous partons à la recherche de faits et de témoignages pour lever le voile sur cette réalité encore trop peu connue de la science au Canada. Si vous avez une information à nous partager, vous pouvez nous écrire à l'adresse legraindesableqc@commercialyahoo.com en intitulant votre courriel « Science et démocratie ». Vous trouverez cette adresse sur la page Facebook de l'émission. Donc, sur ce, je cède la parole à Michel. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci, Philippe. C'était fort intéressant. Nous vous revenons après ces quelques publicités de nos commanditaires avec la chronique de Cédric Leterme. 89.1. Vous écoutez CKRL 89.1. Cultive tes goûts. Papa, on s'est dépeint, démaquillé. On a mis du phare sous nos joues. On s'est éteint, déraciné. On a mis du soir sur nos joues. On s'est soumis, on a plié. On a mis le mort à nos bouches. On s'est pourri et baïonné. Soyez au fait des sorties cinéma et DVD à Québec. Écoutez chaque jeudi matin à l'émission Les Matins éphémères les critiques et suggestions des nouveautés cinématographiques avec Pierre Blais. Cette chronique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici, d'ailleurs et bien plus. En février, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Le 2 février, le programme Kino Québec et l'Opéra National de Paris, Aïda. Le 19 février, les aventuriers voyageurs, le tour du monde. Et le 23 février, l'Opéra National de Paris, Ippuritani. Et ne manquez pas, à partir du 28 février, la 3e édition du Festival de cinéma pour enfants de Québec au Clap. Abonnez-vous à notre page Facebook pour surveiller la programmation. Pour plus d'informations et les horaires complets, rendez-vous au clap.ca. Une fois, c'est bien. Deux fois, c'est mieux. Mais trois fois, c'est... inespéré. Le Théâtre des À-Côtés vous revient avec une toute nouvelle expérience théâtrale alliant humour et érotisme. Chut! Conte sexy, 3e édition. Au Studio P, du 12 au 22 février, préliminaire dès 19h. Venez-y seul, à deux ou pourquoi pas en groupe. Informations, réservations, tdac.co. Du 5 février au 2 mars, c'est la 15e édition du Mois Multi. Un électrisant programme vous transportera durant ces 27 journées de festivités. Spectacles multidisciplinaires, performances sonores et lumineuses, danse, arts électroniques, installations robotiques, sonores et interactives, cabaret multi et bien plus. Plus d'une centaine d'artistes d'ici et de l'étranger vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique. Le Mois Multi, du 5 février au 2 mars, à la coopérative Méduse et chez plusieurs partenaires. moimulti.org. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat chez Seb's Thé et Lounge au 67 René Lévesque Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Wow! La Croche-Oreille est enfin de retour! Tous les dimanches à 21h, Jean-Pierre Gay et Gaétan Gosselin explorent l'univers fascinant de l'art audio. Aiguisez vos oreilles, ça va chauffer dans l'ouïe, ça va blirer dans l'aisse. L'Avatar est à bord sur les routes de l'art sonore et nulle part ailleurs que sur les ondes sans frontières de CKRL. Très bonne émission, La Croche-Oreille. Vous êtes à l'écoute du Grain de sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web www.ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Bonjour Cédric. Bonjour Michel. On peut se souhaiter bonne année même si on est le 1er février, c'est la première fois qu'on... Voilà, on triche un peu, mais bonne année quand même. On triche un peu, voilà. Cédric, aujourd'hui, on va évoquer avec toi l'affaire Dieudonné, qui fait couler beaucoup d'encre, non seulement en Europe, mais même ici, au Québec. Avant de passer au fond, est-ce que tu veux commencer par rappeler de quoi il s'agit pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi? Oui, ben voilà. Alors, Dieudonné, c'est un humoriste français qui est de moins en moins drôle, malheureusement, mais bon, qui a toujours été relativement engagé, mais bon, récemment, on va dire récemment, mais ça fait quand même plusieurs années que c'est le cas, il glisse de plus en plus vers l'extrême droite, sous prétexte de s'en prendre au sionisme. Alors, lui se défend d'être antisémite, hein, il affirme que sa cible, c'est vraiment le sionisme et non pas les juifs, mais il suffit de l'écouter un petit peu pour voir que l'amalgame, malheureusement, se fait très très vite entre juifs et sionistes. Et quand on regarde en plus les personnalités avec lesquelles il s'affiche ces temps-ci, ça laisse assez peu de doutes hein, sur ses orientations actuelles. On l'a vu en compagnie de Jean-Marie Le Pen, Alain Soral, qui est aussi un idéologue assez connu de l'extrême droite en France. Donc bref, toujours est-il que ces spectacles sont devenus donc de plus en plus controversés. Il a développé vraiment une obsession sur la question juive. Hein. Il ne peut pas faire un sketch sans parler des juifs. Et donc récemment, il s'est vu interdire un de ses spectacles sous prétexte que ça menaçait d'atteinte à la dignité humaine et que c'était aussi une menace de trouble à l'ordre public. Donc c'est le ministre de l'Intérieur français, Manuel Valls, qui a mené la charge et qui a ensuite été conforté, hein, qui a été confirmé par les tribunaux. En fait, les tribunaux avaient annulé sa décision d'un premier temps, puis finalement, ils l'ont confirmé. Donc évidemment, tout ça a relancé un débat sur la liberté d'expression en France, mais aussi sur la montée actuelle de l'extrême droite qu'on peut voir en France et dans le reste de l'Europe d'ailleurs. Et du coup, sur les réponses qu'il faut essayer d'apporter à ce phénomène qui est vraiment inquiétant. Donc, c'est pas tellement le cas de Dieudonné, on en a beaucoup parlé, ça m'intéresse assez peu finalement de savoir est-ce qu'il est dans la provoque, est-ce qu'il est pas dans la provoque, ou peu importe. C'est pas lui qui m'intéresse, mais c'est plutôt ces deux débats fondamentaux, la liberté d'expression et les façons de lutter contre l'extrême droite, que je trouve intéressantes dans ce cas-là. Mais bien, commençons par le premier d'entre eux, la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on peut en dire à partir des événements que tu as décrits? Mais pour moi, la première chose, c'est qu'on voit à quel point c'est une question avec laquelle la France, en fait, est décidément pas très à l'aise. Et ils ont une conception assez bizarre de liberté d'expression, malheureusement. On peut rappeler ici un épisode qui a été célèbre et dont Daniel Mermet rend compte dans un documentaire qu'il a consacré à Noam Chomsky, qui s'appelle Chomsky et compagnie. On voit vraiment bien cet épisode-là. Ça s'est passé dans les années 70. En fait, Chomsky a signé à l'époque, bon, sans le savoir, mais il dit que même s'il l'avait su, il l'aurait signé. Il a signé une pétition qui était en soutien à l'historien négationniste Robert Fourisson, qui faisait face à l'époque à des ennuis judiciaires pour avoir publié un livre dans lequel il niait l'existence des chambres à gaz. Ça a valu à Chomsky, en fait, des attaques extrêmement virulentes de la part des médias, mais aussi de la quasi-totalité de la scène intellectuelle française, qui lui reprochait par ce geste de soutenir les thèses de Fourisson. Alors évidemment, ce que Chomsky a essayé d'expliquer, mais il n'y s'est jamais vraiment parvenu, c'est que pour lui, il ne s'agissait pas de soutenir les thèses de Fourisson, mais évidemment le droit de Fourisson à les exprimer, quoi. Et cette nuance-là, il a eu énormément de mal à la faire passer. D'ailleurs, Chomsky a été quasiment banni de la scène médiatique française pendant très longtemps, et ce n'est que récemment qu'on a finalement publié ses bouquins. Et il semble que les choses, en tout cas la situation française par rapport à la liberté d'expression, n'ait pas vraiment évolué aujourd'hui, parce qu'on voit qu'à l'heure actuelle, que ce soit Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, les juges qui ont confirmé sa décision d'interdire le spectacle de Dieudonné, ou même la quasi-totalité des éditocrates français qui ont appuyé la décision du ministre de l'Intérieur, ce qui est quand même inquiétant, à chaque fois on a justifié du caractère infamant, et ça il n'y a pas de doute, des propos qui étaient tenus par Dieudonné, mais pour défendre l'interdiction de ces propos-là. Et ça, évidemment, c'est totalement inconséquent avec la notion de liberté d'expression, telle que, en tout cas, Chomsky la concevait. Parce qu'il avait coutume de dire, et je trouve que c'est une phrase assez forte, mais que même Staline reconnaissait la liberté d'expression des personnes avec qui il est d'accord. Donc si on veut être un petit peu, un véritable engagement envers la notion de liberté d'expression, ben, ça implique justement de défendre des idées qui sont diamétralement opposées à celles qu'on peut avoir soi-même, sous réserve évidemment de cas extrêmement limites où on appelle directement à la violence, mais ce qui est évidemment pas le cas en tout cas de Dieudonné. Mais l'autre problème aussi, c'est que non seulement bon, c'est une atteinte au principe, mais ça crée aussi un précédent extrêmement dangereux, puisque du coup l'État s'arroge le droit de décider ce qui relève de l'humour, ce qui ne relève pas de l'humour, ce qui peut être dit, ce qui ne peut pas être dit dans le domaine public. Et là, ça pose vraiment un gros problème de précédent. Par ailleurs, il disait qu'il y avait deux points que soulevait l'affaire Dieudonné. Je pense que selon la logique même qui est censée fonder la décision d'interdire ces spectacles, c'est une décision qui se révèle aussi absurde, parce que bon, d'après le ministre, il s'agit de lutter contre la propagation d'idées d'extrême droite, et il me semble que là aussi, c'est pas vraiment le bon moyen de s'y prendre. Oui. Alors, c'est le deuxième débat que soulève, selon toi, l'affaire Dieudonné, c'est-à-dire à supposer qu'on partage des soucis pour la liberté d'expression, reste que les propos tenus, le succès qu'ils rencontrent témoignent d'une montée inquiétante de l'extrême droite qui n'est pas que propre à la France. D'ailleurs, il y a eu une manifestation qui a quand même eu jusqu'à 25 000 personnes, c'est pas rien, et qui pose donc la question des moyens à déployer pour l'enrayer. D'après toi, l'interdiction des propos de Dieudonné n'est pas la bonne solution? Alors, quelle serait la bonne solution? Oui, en fait, peut-être avant, je vais commencer par revenir sur pourquoi, selon moi, c'est pas ce genre d'interdiction qui serait la bonne solution à la montée, qui est par ailleurs bien réelle, tu l'as dit, de l'extrême droite. D'abord, et il me semble que ça devrait être assez clair pour tout le monde, le fait de casser le thermomètre, ça n'a jamais fait disparaître la fièvre. Et autrement dit, Dieudonné, Soral et tous les fachos européens sont avant tout des indicateurs d'un malaise extrêmement profond et d'une forme de réaction à ce malaise qui ne va pas disparaître parce qu'on en aura simplement interdit l'expression publique. Donc au contraire, et on l'a bien vu avec Dieudonné, plus on cherche à faire taire ce genre de personnes, plus on les renforce, puisqu'ils peuvent alors se prétendre persécutés, ils peuvent dire, voyez, ce que je dis dérange, c'est bien la preuve que ce que je raconte est vrai, puisqu'on essaye de me faire taire, et donc ils se présentent eux-mêmes comme les héros de l'antisystème, et en fait, ça les renforce, ce genre de décision-là. Donc, si je comprends bien, c'est sur le plan des idées que tu proposes de leur répondre. Oui, notamment, mais je pense que plus largement, c'est vraiment sur le plan politique, plus que légal, qu'il faut mener le combat. Le combat contre l'extrême droite, c'est un combat politique, et il faut le mener avec des outils politiques, c'est-à-dire mobilisation, et aussi, bien sûr, argumentation, c'est évident. On a souvent souligné l'ignorance crasse que Dieudonné affiche quand il s'agit de parler du conflit israélo-palestinien, par exemple, alors que c'est un conflit qu'il instrumentalise en permanence pour essayer de s'allier toute une partie de la jeunesse et de la population française, d'ailleurs, que la situation en Palestine révolte, et ils ont entièrement raison d'être révoltés là-dessus. Mais il y a fort à parier que ça serait beaucoup plus efficace de laisser Dieudonné, du coup, se ridiculiser dans des débats avec des personnes qui se soucient réellement du sort des Palestiniens, qui œuvrent au jour le jour à essayer de l'améliorer, que d'interdire ces spectacles. Maintenant, sur cette question-là, il y a évidemment aussi le problème de la tendance en France et dans d'autres pays aussi, mais c'est particulièrement prégnant en France, d'une certaine élite à systématiquement taxer d'antisémite toute personne qui critique la politique de l'État israélien, ce qui est évidemment pas du tout la même chose. Et ces personnes-là qui font cet amalgame-là portent aussi une grosse responsabilité dans le succès que peuvent ensuite rencontrer des personnages comme Dieudonné. Oui, tout à fait, Cédric. Cela dit, au-delà du cas de Dieudonné ou d'autres... c'est le cas limite. Parce que vous avez bien raison, ce sont des cas limites. Les thèses d'extrême droite sont plutôt largement admises au sein du débat public européen, où on constate quand même une progression significative des partis qui s'en revendiquent. Alors même que selon ta logique, le fait de débattre avec eux devrait suffire à prouver l'inanité des arguments qu'ils développent. Comment expliques-tu ce paradoxe? Oui, alors... Effectivement, mais c'est pour ça que je disais bien, il suffit pas de débattre avec eux, évidemment, pour pouvoir enrayer le phénomène. Je pense que la réponse, justement, doit être politique plus que légale. Et c'est surtout ça qui est important. Comme j'ai dit, et je suis vraiment pas le seul à le dire, hein, c'est assez banal, finalement, comme constat, ces phénomènes-là, la montée de l'extrême droite, c'est avant tout révélateur d'un malaise. Et donc, il faut avant tout identifier les causes de ce malaise-là, et on les connaît, les effets de la financiarisation de l'économie. Tout à fait, on en parle souvent. Le sentiment de... Pardon? On en parle souvent en grain de sable, tout à fait, oui. On en parle souvent, exactement. C'est toutes des causes qui sont connues. Le sentiment d'être dépossédé de sa démocratie. Donc tout ça, c'est des choses qu'on sait et auxquelles il faut essayer d'apporter des réponses. Alors malheureusement, à sa manière, l'extrême droite le fait. Et il faut croire qu'elle le fait bien, puisqu'elle rencontre un certain succès. Mais peut-être qu'elle le fait aussi d'autant mieux que de notre côté à nous, on s'y prend particulièrement mal, hein, du côté de la gauche. Et sur ce point-là, je voulais mentionner un livre assez intéressant qui a été publié récemment par un auteur français qui s'appelle Aurélien Bernier. Et il essaye d'expliquer dans ce bouquin-là pourquoi en France, le Front National arrive mieux que le Parti de Gauche, qui est donc le parti de gauche radicale, à capter le mécontentement populaire. Et d'après lui, l'explication tient en partie dans le fait que la gauche radicale en France n'ose pas s'affirmer sur des thèmes extrêmement importants, comme la construction européenne, comme le protectionnisme, comme la souveraineté nationale. Donc c'est un peu des tabous pour la gauche, qui sont pourtant des thèmes qui sont extrêmement importants pour les citoyens, qui ont vraiment l'impression d'être dépossédés en la matière. Mais la gauche n'ose pas se prononcer là-dessus parce qu'elle a peur qu'on lui reproche de tenir le même discours que l'extrême droite. Alors, quelle est la conséquence de ça? Ben, ça laisse un boulevard à l'extrême droite, justement, sur ces thèmes-là, alors qu'elle n'hésite pas, de son côté, à reprendre à son compte des analyses et des thématiques qui sont chères à la gauche pour se présenter comme le parti du peuple, le peuple uniquement français, bien sûr, hein, dans le cas du Front National, et c'est pareil dans les autres pays. Et évidemment, au regard de l'histoire des positions qu'a défendu le Front National en France, c'est quand même un comble, quoi. Mais il y a donc là vraiment un enjeu extrêmement clé dans la lutte contre l'extrême droite, beaucoup plus que d'essayer d'interdire des personnes comme Dieudonné. Ça consiste pour la gauche à se réapproprier des thématiques sociopolitiques qui sont clés, comme la souveraineté, le protectionnisme ou la construction européenne, sur lesquelles la gauche a des choses à dire et a développé des analyses extrêmement pertinentes qui pourraient parler aux gens, mais en les inscrivant évidemment dans une vision progressiste et en accord avec ses valeurs, quoi. Et à l'inverse, malheureusement, ce qu'on voit en tout cas des partis dominants comme le PS français, mais c'est pareil dans d'autres pays, mais ils refusent eux aussi d'aborder des sujets comme ceux-là, mais pour des raisons différentes, parce que eux ils ont un intérêt à ce que les choses se poursuivent telles quelles, et ils cherchent du coup à concurrencer l'extrême droite sur son propre terrain, c'est-à-dire la stigmatisation des étrangers. Et là-dessus, on peut quand même être assez ironique sur la position de Manuel Valls, qui tout d'un coup se fait défenseur des juifs, mais quand on voit la façon dont il traite les Roms et les immigrés arabes, on se demande où ils placent la limite dans la décence. Et évidemment, en se plaçant sur ce terrain-là, mais ils portent aussi une extrêmement lourde responsabilité dans le succès que peuvent rencontrer par la suite des thèses comme celles qui sont défendues par l'extrême droite en France. Tout à fait, tout à fait. Il y a des parallèles à faire aussi avec ce qu'on vit ici au Québec. On va se laisser là-dessus, Cédric. Et merci beaucoup. C'est quand même fort intéressant comme point de vue. On va laisser nos auditeurs y réfléchir et on se revoit dans un mois. Parfait, dans un mois, merci. Au revoir, Cédric. Au revoir. Voilà, c'était Cédric Leterme depuis la Belgique. Elle n'a rien oublié. Elle n'a rien renié de ce que fut sa vie avant de quitter son pays. Sur les marchés, les odeurs, la musique, les couleurs, l'image de sa jeunesse, le cœur toujours en liesse. Elle se souvient aussi du regard un peu triste, de ces terres résignées dont leur mère était parée, de leur père qui ordonnait, elle qui s'exécutait, elle dans ses 18 ans, elle qui serrait les dents. Non, elle n'a pas oublié, la terre colle à ses souliers, mais les soirs de nostalgie reviennent à son esprit. Dans ses cheveux décoiffés, a soufflé un vent de liberté, à un bras une valise, sous l'autre ses deux filles. Les yeux plantés dans l'horizon, elle a refusé la soumission. Pour elle, elle s'est expatriée, pour qu'elle puisse s'envoler, boire un thé glacé à la terrasse d'un café, avec quelques amis, l'avenir en point de mire, ne pas se cacher pour vivre, rêver, pouvoir choisir, garder toujours l'espoir que demain sera beaucoup mieux que ce soir. Non, elle n'a pas oublié, la terre colle à ses souliers, mais les soirs de nostalgie reviennent à son esprit. Ses filles lui parlent d'amour, elle leur parle de vous, et dans leurs yeux rangs, elle devine leurs questions. Pour quelle protection dresse-t-il ses prisons? Pourquoi ne peut-on pas vivre comme ici, là-bas? Non, elle n'a rien renié, mais comment leur expliquer qu'il a fallu choisir, se taire ou bien partir? Que la liberté n'a pas de prix, on peut lui sacrifier un pays. Non, elle n'a rien oublié, la terre colle à ses souliers, mais les soirs de nostalgie reviennent à son esprit. C'était « Elle n'a rien oublié », c'est le groupe Syncope. C'est un groupe montréalais dirigé par un Algérien. Il y a d'autres Algériens, mais il y a des Québécois aussi au sein du groupe, un groupe, ma foi, fort intéressant. On va maintenant passer à l'agenda progressiste avec Michael Lessard. Bonjour, Michael. Bonjour, bonjour, rebonjour. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a à surveiller cette semaine et même dans les semaines qui viennent? Oui. Bon, ben, le médiaréseauforum.org, on a ajouté, juste vous donner une idée, là, une vingtaine d'événements. On a ajouté une vingtaine juste cette semaine. C'est pas rien. Donc, en février, il y en a plusieurs. Je peux pas toutes les nommer, évidemment, comme toujours. Ouais. Je vous en nomme cinq, donc dont certaines grandes mobilisations. Rapidement, on a un atelier pour les locataires face à la hausse d'un loyer ou à la hausse des loyers. Ça, c'est mardi 4 février à 19h au local du CompOp. CompOp, c'est-à-dire le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, 780 rue Sainte-Claire. Donc, je crois que ça va être très intéressant. Ensuite, la Ligue des droits et libertés organise une conférence qui s'appelle « Occuper l'espace public, droits ou privilèges ». Donc, la situation des personnes marginalisées, en particulier les personnes itinérantes, le profilage social. Fait intéressant, Éric Gagnon, qui est chercheur pour le Centre de santé de la Vieille Capitale, est un des conférenciers. Donc, je crois que ça promet. Mardi 5 février, 19h, Centre Frédéric Bac, 880 avenue Salaberry. Au coin de Sainte-Foy. Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, je constate, j'ai dit mardi 4 février et mardi 5 février. Mais bon, c'est le 5 février, bon. Ça c'est certain. Donc, le REPAC, que vous connaissez peut-être, c'est un grand regroupement de groupes de discussion populaires, organise une super conférence sur la mobilisation vers le changement social. Ouais. Donc ça, c'est les 6 et 7 février. C'est assez bientôt. Hein? Donc, c'est encore possible de s'inscrire, mais il faudrait s'inscrire ce lundi. Je peux pas vous donner toutes les coordonnées, donc allez tout simplement sur repac.org, donc repac.org. On va mettre le lien sur notre site, sur notre blog aussi. OK. Ouais. Ensuite, la fin de semaine prochaine, donc les 7 au 9 février, il y a un colloque québécois Campus Durable sur le thème de la Ben, biodiversité, mais qu'un jeu de mots, que c'est la cité qui est à la fin. Ouais. Donc ça, c'est ni plus ni moins à l'Université Laval, tout près de chez vous. Donc il y a tout plein d'activités sur les thèmes de la biodiversité et de l'urbanisme durable. L'adresse Internet et les coordonnées et tout, c'est un peu trop complexe à vous dire à la radio, hein. Donc allez voir l'annonce sur réseauforum.org ouais. pour trouver le site Internet officiel. Et finalement... Dimanche 9 février, il y a une grande manifestation nationale pour qu'il y ait plus de logements sociaux, organisée donc par les groupes membres du FRAPRU. Le FRAPRU qui est un grand mouvement national. Oui. Donc, il y a des autobus à partir de Québec, du centre-ville et de Sainte-Foy. Donc, rapidement, il y a le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, surnommé COMPOP, Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur, le Comité logement d'aide aux locataires, qui est à Sainte-Foy, plutôt que vous lancer des numéros de téléphone à oui. la radio qu'on n'a pas le temps de noter, allez voir réseauforum.org ou encore, vous pouvez tenter de trouver ces groupes-là sur Google. Donc, c'est environ ça. Il y en a, comme vous le savez, beaucoup d'autres. C'est oui. juste un échantillon. Oui. Donc, allez oui. voir. C'est vraiment réseauforum.org qui mmh. est la référence pour tout ce qui se passe, tout ce qui bouge à Québec. Merci beaucoup, ouais. Michael, pour Et cet agenda. Oui. Pour une dernière fois, oui. je vous rappelle la fameuse pétition pour rendre public l'accord Canada-Europe, l'accord économique ouais. entre le Canada et l'Union européenne, sur le site Internet d'Attaque Québec. Ouais. Il y a la pétition. On a jusqu'au 6 février. Puis comme vous le savez, je pense que c'est très important là, que ces accords-là soient rendus publics. Mais il y en a d'autres qui sont négociés en secret et ça n'a aucun sens à la démocratie qu'on continue comme ça. Et je vais même oser dire, si on ne pourrait pas, vous, les gens qui nous écoutez, oui. peut-être en parler à d'autres gens. Si vous connaissez des propriétaires d'entreprises, de PME, peut-être leur en glisser un mot. Que ces accords-là qui les concernent, ça serait intéressant. Moi, j'aimerais voir les gens qui s'occupent de PME au Québec. Hein, les PME, c'est à peu près 90% de l'économie québécoise. Oui. J'aimerais ça que ces gens-là signent la pétition. C'est mon fantasme. Merci beaucoup, Michael, pour merci. Cet agenda progressiste. Merci beaucoup, Marie-Christine, pour votre chronique. On se revoit dans deux semaines pour oui, la chronique, dans deux c'est semaines. Ça, dans deux semaines. Rappelez-nous la chronique. Science et démocratie. Science et démocratie. Merci, Philippe. Merci de votre passage. Et je remercie aussi Bertrand Shepard de l'Institut de recherche et d'information socio-économique avec qui on a parlé d'impôts progressistes, mais aussi de toute la question des déductions d'impôts. J'ai aussi eu un entretien avec Cédric Leterme. C'était sa chronique mensuelle à partir de la Belgique et on a parlé de tout ce qui entoure toute la controverse autour de Dieudonné et aussi de la liberté d'expression. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL 89.1. Vous cherchez dans la programmation le nom de notre émission, Le Grain de Sable, et vous aurez de là accès à la page où sont archivés les derniers enregistrements. Ces enregistrements sont aussi disponibles sur le site d'Attaque Québec, www.quebec.attaque.org, où vous trouverez tous les détails de nos diverses campagnes et sur la façon de devenir membre d'Attaque Québec. Enfin, vous pouvez retrouver les enregistrements sur notre blog, legraindesable.qc.wordpress.com, où vous trouverez aussi divers liens Internet de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous avons une page Facebook, cherchez-y Le Grain de Sable sur CKRL et un compte Twitter. @grain-de-sable-qc. Réagissez-y, ça nous fera grandement plaisir de vous lire. Nous avons aussi mis un lien pour vous y rendre sur notre blog. Attaque Québec veut dire Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Écrivez-nous vos commentaires, suggestions, opinions. Et aussi, si vous avez envie de réagir suite à l'appel de Marie-Christine concernant toute la question de la recherche scientifique et de la censure. Et oui, Marie-Christine? Oui, en fait, comme on a invité les auditeurs à nous écrire, si vous avez des informations à nous partager concernant la... Un instant, Marie-Christine, j'ai un petit problème avec le... Ça devrait aller, là. J'ai un petit problème avec le piton, curieusement. Voilà, c'est beau. Allez-y. Oui. Oui.

89.1. Alors nous sommes...